Baoula, 1817-1892. Ne dis pas de mal, afin de ne pas en entendre dire. Et ne grossis pas les fautes des autres, pour que les tiennes paraissent moins grandes.